Votre mission dans la courte échelle, si vous l'acceptez. Et de faire écouter à vos auditeurs des artistes indépendants talentueux. Paparata, mon pote. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau numéro de La Courte Échelle. Comme chaque semaine, eh bien, le meilleur de la scène indépendante est dans cette émission. Elle va commencer tout de suite avec Annick Saint-Pierre, qui était une participante de The Voice. Et si vous avez assisté à l'été 2021 à l'un de ses 28 concerts, vous avez sans doute entendu la chanson « Encore Boom ». Cristina Ramirez est originaire du Portugal. C'est dans sa plus jeune enfance qu'elle est arrivée au Canada. Elle est maintenant résidente du Québec. La voici avec Respire. Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Une identité perdue dans mes histoires qui ont changé les battements de mon cœur. J'ai tant cherché une simple lueur d'espoir. J'y ai pensé souvent pendant des heures. Surmonter les épreuves, libérer ma tête, fuir toutes mes peurs. Je chacune de mes douleurs. J'ai soulevé le pire de mes mémoires. J'ai retrouvé le chant des jours meilleurs. Surmonté les épreuves, libéré mes mentales, fuir toutes mes peurs. Retrouvé le bonheur, brillé en solitaire, guérir de mes douleurs. Je chacune des nouveautés de Gary se retrouve évidemment en écoute dans la courte échelle. Nous n'allons pas déroger à la règle puisque voici le temps des bagatelles. Le mauvais temps qui court s'envolera. Je respire. La courte échelle. C'était la bagatelle. Sur de beaux sofas, des festins aux chandelles, de si longs couloirs, que la vie était belle, dans l'amour courtois, et la tour Eiffel glissait entre nos doigts. Je te peignais en aquarelle. January Sun, c'est un trio indie folk rock. Il vous présente Joan of Arc. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. I don't know what's on the pyre. I am ready now to meet my maker. Now tell me who is the liar. I'm the one with the sacred fire. Battlefields full of hate. Is it over with this question of fate? You know for me it's too late. Let's meet at the final gate. There's a float in my mind, serpentine road that I found, brought me out of the line, a tremor so divine. Yes, I know how I feel, everything suddenly became clear. Yeah, it's a part of the deal. Light a match and kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill. Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Le rendez-vous des artistes indépendants. Les compositions de Christophe Marsalet relèvent d'un groove world aux sonorités multiculturelles. Elles sont inspirées par ses nombreuses expériences musicales en Europe et aussi en Amérique latine. Il désordonne les genres musicaux pour mieux composer ses chansons et partager avec son public cette envie de métissage. Origine stellaire, c'est ce qu'il nous propose. Je sais que l'on vient de loin, chemin de nos âmes passe par là. Un grand mystère nous est révélé. L'étoile nous parle de liberté, de vérité. Le soleil central de la Voie lactée. Nos descendants sont bien arrivés. Chegará a era de oro. Chegará el nuevo mundo. Chegará nueva era. Era de la luz dorada. Llegamos, mis hermanos. Llegamos del universo. Llegamos, mis hermanas. Llegamos de las estrellas. Llegamos, mis hermanos. Llegamos del universo. Vamos, vamos, amigos. Vamos con el cielo. Marc Lois a passé son enfance et son adolescence en banlieue parisienne ouvrière avec pour décor le marché aux puces de Saint-Ouen et ses multicultures. On écoute de l'air. La courte échelle. Maman était absente le jour de ma naissance. Papa avait trop d'œil, il m'a pas reconnu. La vue qui s'est penchée m'a fracassé le nez. Sans parler de la nuit, qu'a brûlé mon doudou. De l'air, de l'air, de l'air, du vent, de l'eau, de l'air. Mes compagnons de classe étaient loin d'un top classe. Et le corps enseignant n'avait rien d'excitant. Appelé sous les drapeaux, la voilà, c'en est trop. Au premier garde, vous me voilà rendu fou. De l'air. Je le ferai par amour et non pour les médailles. Non, non. Non, non. Ah. Parlez-moi politique, je réponds polichinelle. On connaît la musique et toutes ses ritournelles. J'ai rempli mes valises de si nombreux voyages. Au-delà de ces deux, j'en oublie les orages. De l'air. Oh, de l'air. De l'air. Du vent, de l'eau, de l'air. Et toujours pas de peur de me noter à ma taille. Bravo ma liberté, tu es vraiment en détail. S'il me reste à livrer encore quelques batailles, je le ferai par amour et non pour les médailles. Non, non. Thank you. de l'air, du vent, de l'eau, de l'air. Et voici Ma Peau à présent dans cette émission, interprétée par le quatuor de rock français Léon Di, quatuor créé et courant 2008. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Aujourd'hui, je change de peau, je me consume dans l'atmosphère. Pour l'air en moi que je libère, en bout de nerf, à fleur de peau. L'adrénaline, j'en suis accro, je me taille les veines à coups de hache. Juste que tu le saches, je suis une bombe qui explose. Scalpette mes nuits, sous la lune rouge interdite. Je la trouverai sûrement plus belle, cette peau douce de sentinelle. Je veux bien vous la vendre ma peau. Même avant d'être tué, une morphine je peux souhaiter, liée direct à ton cerveau. Et quand le vent viendra dans le dos, l'arme serrée entre les dents, tu sentiras la marque de mon seau, d'un geste si précis et lent. Rock toujours avec le nouveau single de Nagas, Comme avant. La Courte Échelle. Comme avant. Courte échelle. Chaque semaine, des talents à découvrir. Ouais, yes! Il est dans l'air du temps, voici Lutina avec Blissid. Every time I hold you, I know that you hold me. Guess you are my everything. I feel blessed. Yes, I am blessed. I feel blessed. Yes, I am blessed. I feel blessed. Yes, I am blessed. I feel blessed. Yes, I am blessed. A lot of things happen in my life. Cause I was sitting in the middle of a jungle, and I was really thinking, God, where should I go? There's no place. Now people wanna know what I do, wanna know where I'm going. Those I don't want, wanna see me falling. They wanna see me crying, they wanna see me dead, oh. But they don't know somebody is watching. Les habitués de la courte échelle connaissent bien Maezo, le voici avec De Venise à Parme, un extrait de son nouvel album. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. De Venise à Parme, je rêve d'Italie, cette belle dame. Venise à Parme, rouler toute la nuit pour retrouver la voie. Partir sans se retourner, oublier cette faute. J'ai envie de voyager tous les chemins. Venise à Parme, Holden a toujours créé en liberté, en suivant ses envies et le hasard des rencontres. Le voici avec Bonheur Immobile. La courte échelle. Que reste-t-il de nous quand il ne reste rien? Le train de 22 heures aura du retard. Je termine ma bière au bar de la gare, et puis j'arrive. Que reste-t-il de nous quand il ne reste rien? Dans le taxi, ça sent le chien mouillé. C'est Noël en ville, le bonheur est immobile. Que reste-t-il de nous quand il ne reste rien? La chambre est fait correct. La nuit a ses fantômes que je respecte et je m'endors. Ivresse du printemps des tropiques, souvenir des plaines d'Alaska, mon baiser du Mexique, Valparaiso, Zanzibar, Fujiyama, tous ces voyages, mon amour, ces voyages qu'on ne fera pas. Ces voyages qu'on ne fera pas. Que reste-t-il de nous quand il ne reste rien? Juste une coupe de champagne, juste pour trinquer. Ce sont de beaux cadeaux, je suis gêné, merci quand même. Ce soir c'est Noël en ville, le bonheur est immobile. Paul Pechner a plusieurs cordes à son arc et aussi à sa guitare. Bien sûr, il est auteur, compositeur, guitariste, interprète et producteur de ses 5 derniers albums. On va l'écouter avec Sans aucun doute. De nous, quand il ne reste rien, un peu de confetti. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Pourquoi rester? Pourquoi partir? Faut-il parler ou ne rien dire? Chacun sa vie, sa vérité. Chacun sa route, chacun ses doutes. Tu m'as roulé dans la farine et j'ai coulé dans la piscine. J'ai balancé ton bric-à-brac, tout retourné dans la baraque. Comme une envie de tout casser, mais sans un bruit, me suis enfuie. et j'ai roulé toute la nuit. M'en suis voulu, mais je suis perdu. Sans transition et dans un style résolument différent, écoutons si vous le voulez bien Miss Puny avec Jealous. La courte échelle. Time is mine. Vous écoutez La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants chaque semaine, des talents à découvrir. Daniel Schwinnard promène son talent partout depuis 30 ans. Le voici avec Les Ailes du Temps. Certains critiques disent de Chloé Bréau qu'elle rafraîchit l'univers pop avec sa voix lumineuse et ses mélodies accrocheuses. Écoutons-la pour en juger avec le titre éponyme de son album « Plage des Morons ». La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Le rendez-vous des artistes indépendants. Regarde les oiseaux danser avec les nuages. La Falaise est une chanson folk rock qui rend hommage au métier d'artiste avec ses hauts et ses bas, ses épreuves et ses merveilles. C'est interprété par David Robert. La courte échelle. Certitude qui dérange. La paresse et la plainte cessent. Autant que l'attitude change. Au bout de la route, il y a la falaise. Et l'altitude qui nous tend. Les admirer comme nos enfants. Trouver la crevasse la plus noire. L'éclair est fort comme le printemps. Pour qu'à chaque matin et soir, on puisse y voir clair. Épuise le corps. Encore une larme, le sourire des détours. Un pas de plus chaque jour. Partir en rêvant le temps d'une autre danse sous un autre soleil et que tout recommence. derrière le doute et le malaise. Une certitude qui dérange. La paresse, les plaintes cessent. Dès que la falaise nous manque. Le projet Groove Folk d'Emeric Saint-Cyr-Labbé a pour titre Mon doux seigneur, et c'est avec la chanson Rodéo que va se terminer l'émission du jour. Vous écoutez La Courte Échelle, chaque semaine des talents à découvrir. Si je suis posé, excuse-moi si je suis posé, dire salut. J'ai fait de mon mieux, bébé. J'ai fait de mon mieux, personne m'a répondu. Où t'étais passé, dis-moi t'es rendu où? Dis-moi où t'es rendu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, si vous le voulez bien, avec une nouvelle courte échelle, Destination Québec. J'espère que vous avez passé un bon moment à la découverte de ces artistes indépendants. Je vous souhaite tout le meilleur du monde. Soyez heureux. Instant d'évasion, la courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants.